Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film explosif. Banlieue 13, 2 ans plus tard. Le gouvernement a changé, pas le reste. Le mur d'isolement toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus loin, s'est étendu autour des cités ghettos et les gangs qui y prolifèrent ont encore accru leur influence. Le trafic se répartit désormais entre 5 quartiers ethniques, chacun dirigé par un redoutable chef de gang. Plus que jamais déterminés à régler le problème, les services secrets mettent volontairement le feu aux poudres. Paris 2016. Le mur d'isolement qui entoure la banlieue 13 n'a toujours pas été détruit. On sortira jamais d'ici vivant, sale flic. Ah ouais, t'es sûr? Dis-moi, c'est toujours aussi accueillant chez toi? Mais c'est pas toi qui m'avais promis que ça changerait? C'est pas les lois qui sont mauvaises, c'est les gens qui les appliquent. La banlieue 13 est hors de contrôle. Si on ne fait rien, le pays entier peut être en feu en moins de 24 heures. Ça va pas tarder à péter. Ils veulent nous exclure de leur société, c'est pas grave. On en a fait une autre, plus dure. Plus solide. Et qui marche très bien comme elle est. C'est exactement le temps que vous avez pour me résoudre cette affaire. Ce sera fait, monsieur le président. Ce sera fait à l'ancienne. Ok, à l'ancienne. Politiquement, cette solution serait extrêmement grave. Quelle est votre idée ? Banlieue 13, Ultimatum. Un film de Patrick Alexandrin, un DVD Fox Pathé Europa.